Chapitre 175e, où Maître Garmin reparaît. Le matin même du jour où ces choses se passaient au temple, un homme vêtu d'une carmagnole et d'un bonnet rouge, appuyé sur une béquille qui l'aidait à soutenir sa marche, se présenta au ministère de l'Intérieur. Roland était fort accessible, mais si accessible qu'il fût, il était cependant forcé d'avoir, comme s'il eût été ministre d'une monarchie, au lieu d'être ministre d'une république, il était cependant forcé, disons-nous, d'avoir des huissiers dans son antichambre. L'homme à la béquille, à la carmagnole et au bonnet rouge fut donc obligé de s'arrêter à l'antichambre devant l'huissier qui lui barrait le passage en lui demandant « Que désirez-vous, citoyen ?»« Je désire parler au citoyen ministre, » répondit l'homme à la carmagnole. Il y avait 15 jours que le titre de citoyen et citoyenne était substitué à la qualification de monsieur et de madame. Les huissiers sont toujours des huissiers, c'est-à-dire des personnages fort impertinents. Nous parlons des huissiers des ministères. Si nous parlions des huissiers à verge, au lieu de parler des huissiers à chaîne, nous en dirions bien autre chose. L'huissier répondit d'un ton protecteur. Mon ami, apprenez une chose, c'est qu'on ne parle point comme cela au citoyen ministre. Et comment donc parle-t-on au citoyen ministre, citoyen huissier? Demanda le citoyen au bonnet rouge. On lui parle quand on a une lettre d'audience. Je croyais que cela se passait, comme vous dites, sous le règne du tyran, mais que sous la République, dans un temps où tous les hommes sont égaux, on était moins aristocrate. Cette réflexion fit réfléchir l'huissier. C'est que, continua l'homme au bonnet rouge, à la carmagnole et à la béquille, c'est que ce n'est pas amusant, voyez-vous, de venir de Versailles pour rendre service à un ministre et de ne pas être reçu par lui. Vous venez pour rendre service au citoyen Roland, un peu. Et quel genre de service venez-vous lui rendre? Je viens lui dénoncer une conspiration. Bon, nous en avons par-dessus la tête, des conspirations. Ah, vous venez de Versailles pour cela? Oui. Eh bien, vous pouvez y retourner à Versailles. C'est bon, j'y retournerai. Mais votre ministre se repentira de ne pas m'avoir reçu. Dame, c'est la consigne. Écrivez-lui et revenez avec la lettre d'audience, alors ça ira tout seul. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Il paraît que c'est plus difficile d'entrer chez le citoyen Roland que ça n'était d'entrer chez Sa Majesté Louis XVI. Comment cela? Je dis ce que je dis. Voyons, que dites-vous? Je dis qu'il fut un temps où j'entrais aux Tuileries comme je voulais. Vous? Oui, et je n'avais qu'à dire mon nom pour cela. Comment donc vous appelez-vous? Le roi Frédéric Guillaume ou l'empereur François? Non, je ne suis pas un tyran, moi, un marchand d'esclaves, un aristocrate. Je suis tout simplement Nicolas-Claude Gamin, maître sur maître, maître sur tous. Maître en quoi? En serrurerie, donc. Vous ne connaissez pas Nicolas-Claude Gamin, l'ancien maître serrurier de Monsieur Capet? Ah, comment, c'est vous, citoyen, qui êtes Nicolas-Claude Gamin, serrurier de l'ex-roi, c'est-à-dire son maître en serrurerie. Entendez-vous, citoyen? C'est cela que je veux dire. En chair et en os, c'est moi. L'huissier regarda ses camarades comme pour les interroger. Ceux-ci répondirent par un signe affirmatif. Alors, dit l'huissier, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous entendez par cette autre chose? J'entends que vous allez écrire votre nom sur un morceau de papier et que je vais faire passer ce nom au citoyen ministre. Écrire? Ah ben oui, écrire. Ce n'était déjà pas mon fort avant qu'ils m'eussent empoisonné, ces brigands-là. Mais maintenant c'est encore pire. Voyez comme l'arsenic m'a rangé. Et Gamin montra ses jambes tordues, sa colonne vertébrale déviée et sa main crispée, crochue comme une griffe. Comment? Ce sont eux qui vous ont arrangé ainsi, mon pauvre homme? Eux-mêmes. Et c'est cela que je viens dénoncer au citoyen ministre. Et bien autre chose encore. Comme on dit qu'on va lui faire son procès à ce brigand de Capet, ce que j'ai à dire ne sera peut-être pas perdu par la nation dans les circonstances où l'on se trouve. « Eh bien, asseyez-vous là, et attendez, citoyen, je vais faire passer votre nom au citoyen ministre. » Et l'huissier écrivit sur un morceau de papier « À Claude-Nicolas Gamin, ancien maître serrurier du roi, demande au citoyen ministre une audience immédiate pour une révélation importante. » Puis il remit le papier à l'un de ses camarades dont la position spéciale était d'annoncer. 5 minutes après, le camarade revint en disant « Suivez-moi, citoyen. » Gamin fit un effort qui lui arracha un cri de douleur, se leva et suivit l'huissier. L'huissier conduisit Gamin, non pas dans le cabinet du ministre officiel, le citoyen Roland, mais dans le cabinet du ministre réel, la citoyenne Roland. C'était une petite chambre très simple, tendue d'un papier vert, éclairée d'une seule fenêtre, dans l'embrasure de laquelle, assise à une petite table, travaillait Madame Roland. Roland était debout devant la cheminée. Lucie annonça le citoyen Nicolas-Claude Gamin, et le citoyen Nicolas-Claude Gamin parut sur la porte. Le maître serrurier n'avait jamais été, même au temps de sa meilleure santé et de sa plus haute fortune, d'un physique bien avantageux. Mais la maladie à laquelle il était en proie, et qui n'était autre qu'un rhumatisme articulaire, tout en tordant ses membres et en défigurant son visage, n'avait rien ajouté, on le comprend bien, aux agréments de sa physionomie. Il en résulta que lorsque l'huissier eut refermé la porte derrière lui, jamais honnête homme, et il faut le dire, nul mieux que Roland ne méritait le titre d'honnête homme, il en résulta, disons-nous, que jamais honnête homme, au visage calme et serein, ne s'était trouvé en face d'un coquin à plus bas et à plus immonde visage. Le premier sentiment qu'éprouva le ministre fut donc celui d'une profonde répugnance. Il regarda le citoyen Gamin des pieds à la tête, et voyant qu'il tremblait sur sa béquille, un sentiment de pitié pour la souffrance d'un de ses semblables, en supposant toutefois que le citoyen Gamin fût le semblable du citoyen Roland, un sentiment de pitié fit que le premier mot qu'adressa le ministre au serrurier fut « Asseyez-vous, citoyen, vous paraissez souffrant. » « Je crois bien que je suis souffrant, » dit Gamin en s'asseyant. « C'est depuis que l'Autrichienne m'a empoisonné. » À ces mots, une expression de profond dégoût passa sur le visage du ministre, et il échangea un regard avec sa femme, à peu près cachée dans l'embrasure de la fenêtre. « Et c'est pour me dénoncer cet empoisonnement, » dit Roland, « que vous êtes venu. » « Pour vous dénoncer ça et autre chose. Apportez-vous la preuve de vos dénonciations. Ah, quant à ça, vous n'avez qu'à venir avec moi aux Tuileries, et on vous la montrera à l'armoire. Quelle armoire ? L'armoire où ce brigand-là cachait son trésor. Oh, j'aurais dû m'en douter aussi. Quand la besogne achevée, l'Autrichienne m'a dit de sa voix câline, « Tenez, gamin, vous avez chaud, buvez ce verre de vin, il vous fera du bien. » J'aurais dû me douter que le vin était empoisonné. Empoisonné ? Oui ? « Je savais ça pourtant, » dit Gamin, avec une expression de sombre haine, « que les hommes qui aident les rois à cacher les trésors ne vivent pas longtemps. » Roland s'approcha de sa femme et l'interrogea des yeux. « Il y a quelque chose au fond de tout cela, mon ami, » dit-elle. « Je me rappelle maintenant le nom de cet homme. C'est le maître serrurier du roi. Et cette armoire ? Eh bien, demande-lui ce que c'est que cette armoire. »« Ce que c'est que cette armoire ?» reprit Gamin, qui avait entendu. « Ah, je vais vous le dire, parbleu. C'est une armoire de fer avec une serrure bénarde et dans laquelle le citoyen Capet cachait son or et ses papiers. Et comment connaissez-vous l'existence de cette armoire ? Puisqu'il m'a envoyé chercher moi et mon compagnon à Versailles pour lui faire marcher une serrure qu'il avait faite lui-même et qui ne marchait pas. Mais cette armoire, elle aura été ouverte, brisée, pillée au 10 août. « Oh, dit Gamin, il n'y a pas de danger. Comment il n'y a pas de danger ? Non ? Je défie bien qui que ce soit au monde, excepté lui ou moi, de la trouver et surtout de l'ouvrir. Vous êtes sûr ? Sûr et certain. Telle était à l'heure où il a quitté les Tuileries, telle elle est aujourd'hui. Et à quelle époque avez-vous aidé le roi Louis XVI à fermer cette armoire ? Ah, je ne puis pas dire au juste, mais c'était 3 ou 4 mois avant le départ pour Varennes. Et comment cela s'est-il passé ? Voyons, excusez-moi, mon ami. La chose me paraît assez extraordinaire pour qu'avant de me mettre avec vous à la recherche de cette armoire, je vous demande quelques détails. Oh, les détails sont faciles à donner, citoyen ministre. Ils ne manqueront pas. Capet m'a envoyé chercher à Versailles. Ma femme ne voulait pas me laisser venir, pauvre femme. Elle avait eu un pressentiment. Elle me disait, le roi est en mauvaise position. Tu vas te compromettre pour lui. Mais, lui disais-je, puisqu'il m'envoie chercher pour affaires concernant mon état et qu'il est mon écolier, il faut bien que j'y aille. « Bon, répondait-elle, il y a de la politique là-dessous. Il a autre chose à faire dans ce moment-ci que de faire des serrures. Abrégeons, mon ami, de sorte que, malgré les avis de votre femme, vous êtes venu. Oui, et juste mieux fait de les écouter, ces avis. Je ne serai pas dans l'état où je suis, mais ils me le paieront, les empoisonneurs. Alors, ah, pour en revenir à l'armoire, oui, mon ami, et tâchons même de ne pas nous en écarter, n'est-ce pas ? Tout mon temps est à la République et j'ai bien peu de temps. Alors il m'a montré une serrure bénarde qui n'allait pas. Il l'avait faite lui-même, ce qui me prouve que si elle eût été, il ne m'aurait pas envoyé chercher le traître. Il vous a fait voir une serrure bénarde qui n'allait pas, reprit le ministre, insistant pour maintenir Gamin dans la question. Et il m'a demandé, pourquoi ça ne va-t-il pas, Gamin ? J'ai dit, « Sire, il faut que j'examine la serrure. » Il a dit, « C'est trop juste. » Alors j'ai examiné la serrure et je lui ai dit, « Savez-vous pourquoi la serrure ne va pas ?»« Non, » a-t-il répondu, « puisque je te le demande. » »« Eh bien, elle ne va pas, sire. » On l'appelait encore sire à cette époque-là, le brigand. « Elle ne va pas, sire. C'est tout simple, elle ne va pas. » Suivez bien mon raisonnement, car n'étant pas si fort en serrurerie que le roi, vous ne pourrez peut-être pas me comprendre. C'est-à-dire, non, je me rappelle maintenant, ce n'était pas une serrure bénarde, c'était une serrure de coffre. « Cela m'est absolument égal, mon ami, » répondit Roland. « Comme vous l'avez deviné, je ne suis pas si fort en serrurerie que le roi, et je ne connais pas la différence qu'il y a entre une serrure bénarde et une serrure de coffre. La différence, je vais vous la faire toucher du doigt. Inutile, vous expliquez au roi, disiez-vous. Pourquoi la serrure ne fermait pas ? Faut-il vous dire pourquoi elle ne fermait pas ? Si vous voulez, répondit Roland, qui commence à croire que le mieux était d'abandonner gamin à sa prolixité. Eh bien, elle ne fermait pas, comprenez-vous, parce que le museau de la clé accrochait bien la grande barbe, que la grande barbe décrivait bien la moitié de son cercle, mais qu'arrivait là, comme elle n'était pas taillée en biseau, elle ne s'échappait pas toute seule. Voilà l'affaire. Vous comprenez à présent, n'est-ce pas ? La course de la barbe étant de 6 lignes, l'épaulement devait être d'une ligne, comprenez-vous ? À merveille, dit Roland, qui ne comprenait pas un mot. C'est ma foi ça, dit le roi, on lui donnait encore ce titre à l'infâme tyran. Eh bien, gamin, fais ce que je n'ai pas su faire, toi, mon maître. Oh, non seulement votre maître, sire, mais encore maître sur maître, maître sur tous. Si bien que je me mis à la besogne, tandis que M. Capet causait avec mon garçon, que j'ai toujours soupçonné d'être un aristocrate déguisé. Au bout de 10 minutes, c'était fini. Alors je descendis avec la porte de fer dans laquelle était pratiquée la serrure et je dis « Ça y est, sire !»« Eh bien, gamin, dit-il, viens avec moi. » Il marcha devant, je le suivis. Il me conduisit d'abord dans sa chambre à coucher, puis dans un couloir sombre qui communiquait de son alcôve à la chambre du dauphin. Là, il faisait si ténébreux qu'on fut obligé d'allumer une bougie. Le roi me dit « Tiens cette bougie, gamin, et éclaire-moi. » Il se permettait de me tutoyer, le tyran. Alors il leva le panneau de la boiserie derrière lequel il y avait un trou rond portant 2 pieds de diamètre à son ouverture. Puis, comme il remarquait mon étonnement, « J'ai fait cette cachette pour y serrer de l'argent, » me dit-il. « Maintenant, tu vois, gamin, il faut fermer l'ouverture avec cette porte de fer. » « Ce ne sera pas long, » que je lui répondis. « Les gonds y sont ainsi que le pen. » J'accrochai la porte et je n'eus qu'à la pousser. Elle se fermait toute seule. Puis on remettait le panneau en place. « Bonsoir. Plus d'armoire, plus de porte, plus de serrure. » « Et vous croyez, mon ami, » demanda Roland, « que cette armoire n'avait d'autre but que de devenir coffre-fort et que le roi s'était donné toute cette peine pour cacher de l'argent ?»« Attendez donc. C'était une frime. Il se croyait bien malin, le tyran. » « Mais je suis aussi malin que lui. Voici ce qui se passa. »« Voyons, dit-il, gamin. Aide-moi à compter l'argent que je veux cacher dans cette armoire. » Et nous comptâmes ainsi 2 millions en double louis que nous divisâmes en 4 sacs de cuir. Mais tandis que je comptais son or, je vis du coin de l'œil le valet de chambre qui transportait des papiers, et je me dis « Bon, l'armoire, c'est pour enfermer des papiers. L'argent, c'est une frime. »« Que dis-tu de cela, Madeleine ?» demanda Roland à sa femme en se baissant vers elle, de manière à ce que cette fois gamin ne l'entendît pas. « Je dis que cette révélation a de la plus haute importance et qu'il n'y a pas un instant à perdre. » Roland sonna. L'huissier parut. « Avez-vous une voiture attelée dans la cour de l'hôtel ? » demanda-t-il. « Oui, citoyen. Faites-la approcher. » Gamin se leva. « Ah ! » dit-il tout vexé. « Vous en avez assez de moi comme cela, à ce qu'il paraît. » « Pourquoi donc ? » demanda Roland. « Puisque vous appelez votre voiture, les ministres ont donc encore des voitures sous la République ?»« Mon ami, » répondit Roland, « les ministres auront des voitures en tout temps. Une voiture n'est pas un luxe pour un ministre, c'est une économie. »« Une économie de quoi ?»« De temps. » »« C'est-à-dire de la denrée la plus chère et la plus précieuse qu'il y ait au monde. »« Alors il faudra donc que je revienne, moi. Pourquoi faire ?»« Dame, pour vous mener à l'armoire où est le trésor ?»« Inutile. » »« Comment ça inutile ?»« Sans doute puisque je viens de demander la voiture pour y aller. » « Aller où ? Aux Tuileries. Nous y allons donc, de ce pas, à la bonne heure. »« Mais à propos, » dit Roland. « Quoi ?» demanda gamin. « La clé. »« Quelle clé ? La clé de l'armoire. Il est probable que Louis XVI ne l'a pas laissée à la porte. »« Oh, bien certainement, attendu qu'il n'est pas si bête qu'il en a l'air, le gros Capet. »« Alors vous prendrez des outils. »« Pour quoi faire ? Pour ouvrir l'armoire. » « gamin tira de sa poche une clé toute neuve. « Et qu'est-ce que c'est donc que cela » demanda-t-il. « Une clé. »« La clé de l'armoire, que j'ai faite de souvenir. Je l'avais bien étudiée, me doutant qu'un jour... » « Cet homme est un grand misérable, » dit Madame Roland à son mari. « Tu penses donc ?» demanda celui-ci avec hésitation. « Je pense que nous n'avons pas le droit, dans notre position, de refuser aucun des renseignements que la fortune nous envoie pour arriver à la connaissance de la vérité. « La voilà, la voilà !» disait Gamin rayonnant et montrant la clé. « Et vous croyez ?» demanda Roland avec un dégoût qui lui était impossible de cacher. « Vous croyez que cette clé, quoique faite de souvenirs, et après 18 mois, ouvrira l'armoire de fer ?»« Et du premier coup, je l'espère bien, » dit Gamin. « Ce n'est pas pour des prunes qu'on est maître sur maître, maître sur tous. »« La voiture du citoyen ministre attend, » dit l'huissier. « Irai-je avec vous ?» demanda Madame Roland. « Certainement. S'il y a des papiers, c'est à toi que je les confierai. N'es-tu pas le plus honnête homme que je connaisse ?» Puis se retourne envers Gamin. « Venez, mon ami, » lui dit Roland. Et Gamin suivit en grommelant entre ses mâchoires. « Ah, je l'avais bien dit que je te revendrais cela, monsieur Capet. » Cela, qu'est-ce que c'était que cela ? C'était le bien que le roi lui avait fait.